Dans mon cendrier, va te nettoyer si tu veux briller. Fils d'ouvrier, que des vacances sur mon calendrier. Vive l'argent, la monnaie, la cocaïne dans mon sablier. J'suis dans l'avion, j'ai mal aux fesses. Fort de France, c'est pas la haisse. C'est mal, cache le kilo de sèche. J'suis au paradis des mecs de ma baisse. Avec mes sraps et mes gaffas, j'répète, avec mes sraps et mes gaffas. On a galéré, je merci. Y'a que dans mes clips que je mets des cravates. Hamdoullah, Babylone est nous qu'a fait la guerre pour chocolat. Ma chérie ne veut plus qu'on se voit, car son papa veut la cola. Combien de mes frères devenus dollars? Combien de mes frères sont des sous-lards? Combien d'entre eux sont des salopes? Se cachent derrière un foulard. Dorénavant je suis les grands. Je chante dans tous les oasis. Sarkozy lui fera mes bacs. François Hollande fera la guitare. Boug en moins, cacouilleux. Gaza en moins, cacouilleux. Boug en moins, cacouilleux. Gaza en moins, cacouilleux. Boug en moins, cacouilleux. Gaza en moins, cacouilleux. Ma chérie, ma tête clé. Ouvre ton cœur ou bien donne-moi la clé. Je vais payer la dette et je vais braquer ton père. Bébé, viens, on joue au kiné. Ensuite, tu feras le dîner. Après, j'irai me dandiner. Dorénavant, je suis hétérogestuel. Bye bye bye. Tous les jours qu'on rentre à des fourrailles. On sait que ta pouka, on t'a pas vu au tribunal. Le petit baisse de ta soeur, pourtant toi tu fais peur. Un contrat sur 48 heures. Bouteille dans les fesses, maintenant pourquoi tu pleures? Combien de ces négros j'ai pas fait enculer? Je fais des péchés, je suis navré, mon seigneur. Nous on a tenu le pavé, enfoiré. Malheureusement, sache que personne nous fait peur. Personne nous fait peur. Si je sors mon joujou, c'est qu'ils vont flipper. C'est qu'ils vont flipper. Un jeu c'est fini, ferme le couplet. Boug en moins, cacouilleux. Gaza en moins, cacouilleux. Boug en moins, cacouilleux. Gaza en moins, cacouilleux. Boug en moins, cacouilleux. Gaza en moins, cacouilleux. Cacouilleux.